Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 11e instruction, pour la fête de l'Assomption de Marie le 15 août. Oui, réjouissez-vous, en ce jour, félicitez-vous, ô Esprit bienheureux, faites retentir de vos plus doux cantiques les célestes demeures, réjouissez-vous, vous en avez un bien juste motif. Et quoi? Les cœurs des anges ne doivent-ils point se livrer à l'allégresse en voyant, pour la première fois, paraître au milieu de cette sublime créature, qui est la reine de tous les anges? Quelle réjouissance ne célèbre-t-on pas, même dans cette vallée de larmes, à l'arrivée d'un grand personnage, attendu depuis longtemps? Surtout si ce personnage vient occuper un trône, chacun a l'envie de rendre à son souverain les hommages les plus distingués, chacun s'étudie à se signaler par les louanges et les honneurs qu'il lui prodigue. Si l'on a coutume d'éprouver en pareille circonstance une joie si vive, même ici-bas, dans ce lieu d'exil, dans ce séjour de misère et de deuil, à combien plus forte raison ne dut-il pas en être de même dans la céleste patrie, d'où la tristesse et l'affliction sont à jamais bannies, et où régneront une joie éternelle, un bonheur inaltérable et sans fin, Apocalypse 21, 4. Réjouissez-vous donc, ô citoyens de la céleste Sion, réjouissez-vous sans cesse, mais célébrez une fête nouvelle en ce jour où la très sainte Vierge, quittant ce lieu d'exil, s'élève en triomphant vers votre heureux séjour, que la cité sainte brille d'une joie nouvelle, et fasse retentir des concerts nouveaux, car voici les noces de l'agneau, déjà son épouse est ornée et préparée, Ibidem 19, 7. Quel jour donc plus beau et plus joyeux pour le ciel? Quel motif plus juste pourrait avoir la cour céleste de se livrer aux plus douces réjouissances? Qu'elle se réjouisse donc, car elle peut le faire avec raison. Mais nous, hélas, que ferons-nous, misérables mortels? Pourrons-nous prendre part aux réjouissances de la cour céleste? Il semble que non, car Marie quittant cette terre, nous perdons tout ce que gagne le ciel. À la terre était loin de n'être qu'un séjour de larmes, tandis qu'elle possédait Marie, sa vue, sa présence était bien suffisante pour tarir les pleurs des enfants d'Adam, un seul de ses doux regards, un mot de sa bouche suffirait pour faire oublier toutes les amertumes de la vie, et combler tous les cœurs de joie et de délices. Mais les jours de félicité ont passé pour les mortels, il ne leur reste plus que les ennuis et les chagrins. Tournez vos regards de tous côtés, ils ne rencontreront plus ce qui faisait la joie universelle. Pour comble de deuil, son corps virginal n'est pas même demeuré sur la terre, il s'est envolé avec son âme vers le centre de toutes ses affections. Le ciel a voulu tout avoir pour lui seul. Et à nous, que nous est-il resté? Une source de larmes, la douleur d'avoir perdu l'objet chéri qui faisait toute notre consolation. Pleurons donc, et déployons nos vêtements de deuil, il semble que nous n'ayons rien de plus convenable à faire en ce jour. C'en est trop, mon cœur, console-toi, il n'en est pas comme tu le crois, non tu n'as aucune raison de pleurer, mais bien plutôt de te réjouir en ce beau jour de fête. Vous devez vous abandonner à une sainte joie, ô enfant de Marie, et cela pour trois motifs, le principal est l'honneur singulier que l'Assomption de Marie procure à Dieu, le second, la gloire que Marie notre Mère en reçoit, et enfin le dernier motif que nous ayons de nous réjouir, est l'avantage qui nous en revient. Voyons s'il en est ainsi. La gloire de Dieu est donc le premier motif que nous ayons de faire éclater notre joie en ce jour. Pour peu que l'amour de Dieu règne dans notre cœur, Il doit y régner aussi un vif et ardent désir de le voir glorifié, d'où résulte la plus douce joie au sujet de la gloire qu'il reçoit actuellement de ses créatures. Or, si cela est vrai, je dis que nous avons en ce jour le motif le plus fort de nous livrer à la joie, car Dieu reçoit en cette circonstance la gloire la plus singulière, la plus extraordinaire. Tous les êtres sortis de la main de Dieu, à le bien prendre, sont autant de langues qui publient ses grandeurs, autant de bouches qui proclament ses infinies perfections. Tous sont coordonnés par la sagesse divine à son honneur et à sa gloire. Telle est la fin sublime que Dieu s'est proposée dans la création de l'univers, fin qu'il obtient toujours immanquablement. Proverbe 16, 4. Dieu a coordonné à sa gloire absolument toutes les créatures, et spirituelles et corporelles, et célestes et terrestres. Les cieux, avec leur beauté et leur splendeur, annoncent la gloire du Très-Haut. Psaume 18, 1. Mais comment les choses créées peuvent-elles rendre gloire à Dieu, en faisant briller quelques-unes des perfections divines auxquelles elles participent? Voyez, nous répète tour à tour toutes les créatures, voyez comme nous sommes belles et admirables, leur beauté, dit saint Augustin, est l'expression de leurs hommages. Leurs perfections sont autant de langues qui publient la beauté et la perfection absolue de Dieu, perfection qui éclate d'autant plus à nos regards que nous la trouvons plus capable de se communiquer à des êtres finis. C'est pourquoi le même saint docteur, recherchant la manière dont les bienheureux rendront gloire à Dieu dans le ciel, répond en deux mots que nous le louerons en le possédant. Nos louanges consisteront à montrer et à manifester à tous les dons et les grâces que sa main bienfaisante nous aura prodigués. Admirez, dirons-nous alors, même sans ouvrir la bouche, admirez comme il est bon celui qui m'a comblé de tant de bienfaits, comme il est beau celui qui m'a orné d'un si brillant éclat, comme il est riche celui qui m'a entouré de tant de richesses. Cela posé, il devient évident qu'une créature est d'autant plus en état de glorifier son Dieu qu'elle a plus largement participé à ses faveurs, parce qu'elle manifeste d'autant mieux la grandeur, la puissance, la bonté, la magnificence et les autres attributs de son auteur suprême. C'est ainsi qu'un ouvrage quelconque sorti du cerveau ou de la main de l'homme est d'autant plus propre à nous faire connaître le talent de son auteur, qu'il exige plus de génie et d'habileté. Mais s'il en est ainsi, quelle autre pure créature sera plus à même que Marie de glorifier son Dieu? En est-il une qui soit plus belle et plus parfaite que Marie? En est-il une qui participe davantage aux perfections divines? Ou brille-t-elle avec plus d'éclat et de magnificence que dans Marie? Nul ne sera jamais aussi capable que Marie de nous faire apprécier les divines perfections, saint Pierre Chrysologue. C'est donc avec raison qu'inspirée par son divin époux, elle s'écrit dans son admirable cantique, Luc 1, 46, « Mon âme glorifie et exalte son Dieu ». Elle a voulu dire, non pas qu'elle l'exalte en lui-même, celui qui est infini par nature ne pouvant être exalté de la sorte, mais bien qu'elle l'exalte en tant qu'elle nous fait apparaître plus clairement les attributs divins et les divines perfections que Dieu a versées à pleine main dans son sein virginal et dans son âme très pure. Cornelius à Lapidine chapitre 2 Lucae. Marie fut donc toujours, à partir de l'instant de son immaculée conception, capable de rendre gloire à Dieu, et d'exalter la grandeur de son infinie majesté, mais remarquez qu'elle ne le fit pas toujours, parce qu'elle n'apparut pas toujours au regard des créatures aussi belles et aussi ornées qu'elle l'était réellement, au contraire, elle se tint soigneusement renfermée et cachée sous le voile de la plus profonde abjection. ne laissant voir qu'à peu de personnes privilégiées, et cela fort rarement encore, quelques-unes des admirables prérogatives dont Dieu l'avait favorisée. En ce jour, elle étale pour la première fois toutes les richesses de sa beauté à la face de la cour céleste, qui, transportée d'étonnement et d'enthousiasme et ne concevant pas qu'il pût sortir de cet horrible désert une créature aussi belle, aussi brillante, ne cesse de faire retentir ses accents d'admiration, Cantique 8, 5, qu'elle est celle qui s'élève de cette terre maudite, entourée des plus riches trésors, elle s'avance appuyée sur son bien-aimé, Ibidem. Apprenons de là, s'écrient les esprits célestes, pourquoi elle nous paraît si belle, c'est que son époux la forma telle qu'il la voulait. Oh, avec quel éclat se montre en ce jour la sagesse, la puissance, la magnificence de Dieu, qui, d'une nature qui nous est aussi inférieure que la nature humaine, a su tirer celle que nous nous glorifions de posséder pour reine. Vous êtes grand, Seigneur, et toutes vos œuvres sont grandes, toutes sont magnifiques, mais celles que nous admirons aujourd'hui les surpassent toutes. Voilà, voilà le chef-d'œuvre de votre esprit, et de votre bras tout-puissant. Oui, oui, répond Marie pénétrée de reconnaissance, il en est ainsi, parce qu'ainsi l'a voulu le Tout-Puissant, Luc 1, 49. Si pour faire toutes les autres choses il n'a employé qu'un doigt, pour me créer il a voulu déployer toute la puissance de son bras, Luc 1, 51. Rendez donc mille louanges à mon suprême auteur, célébrez par vos chants la puissance du Dieu qui m'a créé. Je me réjouis d'être appelée bienheureuse, parce qu'en me comblant de louanges on ne fait que louer et exalter la magnificence divine. Tels furent, je crois, les sentiments qu'éprouva Marie et toute la cour céleste, le jour heureux de sa glorieuse assomption au ciel. Et voilà de quelle manière elle procure la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'un habile et savant ouvrier, après avoir, pour ainsi dire, épuisé toutes les finesses de son art à perfectionner un ouvrage, qu'il préfère à tous les autres, parce qu'il le regarde comme son chef-d'œuvre, se plaît à l'exposer à la vue de tout le monde, et jouit de voir une foule imposante d'admirateurs s'extasier sur le mérite de l'œuvre et combler d'éloges la main qui l'exécuta. Vous l'avez déjà remarqué, tant qu'un ouvrier n'a pas achevé de mettre la dernière main à son travail, il n'aime pas de l'exposer au regard du public, il le tient au contraire soigneusement caché aux yeux de tous, se contentant de l'examiner lui seul pour observer si plus rien ne manque à sa perfection. Mais a-t-il enfin épuisé toutes les ressources de son génie, il lève le voile qui le couvrait, et l'étale dans son plus beau point de vue. Dieu n'en agit pas autrement avec ses saints. Il les tient cachés durant leur vie, et voilés aux yeux des hommes, jusqu'à ce qu'il ait achevé l'édifice de leur sainteté et de leur perfection. Mais une fois qu'il y a mis la dernière main, il les expose lui-même à la vue de tous, et se plaît à voir admirer les perfections dont sa munificence les a ornées. Si cela se vérifie dans les saints, ne dut-il pas en être de même à l'égard de Marie, la reine de tous les saints? Admirons donc aussi le chef-d'œuvre des mains divines, admirons Marie et cherchons à nous en former l'idée la plus complète. Pressons-nous autour d'elle pour contempler, dans une extase d'admiration, ce que nous ne pourrons jamais suffisamment comprendre. Notre admiration, notre enthousiasme seront le tribut d'éloges le moins imparfait que nous puissions offrir à son très haut et très sage auteur. Disons avec le psalmiste en nous adressant à notre Dieu, ô Seigneur, que de délices je goûte à admirer les ouvrages de vos mains, psaume 91, 5. Nous avons donc un bien juste motif, non pas de nous attrister, mais de nous réjouir en ce jour d'allégresse pour la cour céleste. Oui, réjouissons-nous de la gloire qui résulte pour Dieu de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge. Réjouissons-nous en second lieu de la gloire qui en revient à notre tendre mère elle-même. Les apôtres étaient pensifs et tristes, parce que Jésus leur avait annoncé que dans peu il leur retirerait sa présence corporelle et sensible. Il semble qu'on les entende se dire en gémissant, « Hélas, que ferons-nous, misérables, abandonnés à nous-mêmes dans cette vallée de larmes ? Nos yeux ne verront donc plus ce visage si aimable et si cher ? Non, je ne vous laisse pas orphelin, reprend Jésus, je demeurerai avec vous, quoique je ne conserve pas ces apparences sensibles, je serai néanmoins avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Matthieu 28, 20. Les apôtres ne furent point satisfaits de cette promesse. Ils eussent voulu conserver au milieu de leur bon maître sous ses formes palpables et visibles. Jésus vit bien quelles étaient leurs pensées et leurs désirs. Il vit aussi de quelles racines ce désir tirait son origine. C'était un amour faible pour Jésus, et très fort pour eux-mêmes. Il leur adressa donc une tendre et amoureuse correction. Jean 14, 28. Ô mes apôtres, vous croyez par votre tristesse me témoigner la grandeur de l'amour que vous me portez, mais moi j'y reconnais au contraire la faiblesse de cet amour. Ah si cette affection que vous dites avoir pour moi était assez forte, vous vous réjouiriez en apprenant que je retourne dans le sein de mon Père céleste. Il en est ainsi, mon cher frère. Si les apôtres avaient aimé Jésus d'un amour plus sincère, plus pur, plus ardent, ils n'auraient pas manqué de se réjouir au sujet de son départ, en songeant qu'il s'en allait pour recevoir l'honneur dû non seulement à sa divinité, mais encore à son humanité sacrée. Oui, ils devaient se réjouir de voir que celui qui était la splendeur de la gloire, après s'être assujetti à un abaissement incompréhensible, s'en retourna pour siéger à la droite de son Père, et recevoir une gloire proportionnée aux humiliations et aux anéantissements auxquels son amour pour nous l'avait réduit. Ils auraient dû répéter avec l'accent de la joie et du contentement, « Oui, notre bon Maître, oui, allez occuper votre trône au ciel pour nous. » Nous ne pouvons que répéter avec la plus douce satisfaction qu'un tel siège et un tel honneur vous sont dus. Apocalypse 5, 12. L'agneau divin est digne de recevoir la divinité, l'honneur et la gloire. Ainsi auraient parlé les apôtres s'ils avaient aimé davantage Jésus-Christ. C'est ainsi encore que nous devons parler, proportion gardée, à l'égard de Marie, sa mère, et la nôtre. Nous n'avons pas sujet de nous attrister de son départ pour le ciel, nous devons bien plutôt nous en réjouir en pensant à son bonheur, ainsi qu'à la gloire, aux hommages qu'elle reçoit sur le trône sublime qui lui est préparé. Qu'il me tue, pourvu qu'il règne, Annales de Tacite, Funérailles 9, dit Agrippine en parlant de son fils Néron, « Pourvu que mon fils ait l'empire du monde, je compte pour rien de me voir arracher la vie de sa propre main. J'estimerai heureuse une mort qui sera compensée par la possession d'un empire pour le fils que j'aime. » Ah si tous les fils aimaient leur mère autant que cette mère aimait son fils, quelle joie n'éprouveraient pas les enfants de Marie en sachant que leur mère va recevoir l'Empire, non de la terre seulement, mais de la terre et du ciel. Son Assomption dut elle-même coûter la vie, nous ne devrions pas moins nous écrier avec joie, que je meure, pourvu que ma mort soit compensée par l'élévation de Marie, ma tendre mère, à une gloire si sublime, si singulière. Tel est le langage que devrait nous inspirer un amour vraiment filial envers une mère aussi digne d'amour. Nous devrions nous réjouir de son élévation, dût-elle même nous coûter la vie. À combien plus forte raison ne devons-nous pas nous réjouir, en sachant, et c'est le troisième motif de notre joie, que l'assomption glorieuse de notre mère chérie nous procurera, non la mort, mais la vie. Pourquoi, mon cher frère, pourquoi Marie est-elle montée au ciel? Si nous voulons le savoir, observons pourquoi Jésus lui-même y est monté, c'est afin de paraître en la présence de son Père céleste, et de plaider notre cause auprès du trône de Dieu, Hébreux 9, 24. C'est pour être un avocat et un médiateur de paix entre Dieu et les hommes, selon ce qui est écrit, 1 Jean 11, 1, nous avons pour avocat auprès du Père éternel Jésus-Christ, qui est juste et saint. C'est pour cela qu'il est monté au ciel, et c'est pour la même fin qu'il y demeure toujours vivant pour intercéder en notre faveur, Hébreux 7, 25. Son ascension doit donc être pour nous un sujet de joie et non d'affliction, sachant que s'il monte au ciel, c'est pour notre avantage. C'est ainsi qu'en proportion nous devons penser et parler de l'Assomption de Marie. Pourquoi a-t-elle été élevée au ciel? Pourquoi se trouve-t-elle placée à côté de son divin Fils Jésus? Pourquoi le Fils de Dieu l'a-t-il transporté dans le séjour céleste? Notre Mère, la Sainte Église catholique, nous le dit assez clairement, in messe de la vigile de l'Assomption, vous avez voulu, Seigneur, élevez Marie au ciel, afin qu'elle pût avec plus de succès plaider notre cause, à nous, pauvres pécheurs. Hélas, en proie à la douleur, nous gémissons sous le poids énorme de nos iniquités. La seule pensée, le nom seul d'un Dieu juste et vengeur des fautes que nous avons commises suffit pour nous faire frissonner de terreur. Afin d'effacer de notre esprit cette funeste impression, le Père éternel a voulu nous donner son Fils unique, en qui paraîtraient moins les rayons de la majesté souveraine outragée, que les traits de la bonté et de la miséricorde divine, prêt à faire grâce aux pauvres pécheurs. Voilà Jésus qui se montre à nous tel qu'il est réellement, notre défenseur et notre avocat. Que craignons-nous? Il nous invite tous à nous réfugier dans son sein paternel, nous assurant qu'aucun de ceux qui s'approcheront de lui ne sera repoussé. Jean 7, 37. Il nous assure au contraire que celui qui cherchera le salut par son moyen l'obtiendra infailliblement. Jean 10, 9, Matthieu 11, 28. Venez tous à moi, crie-t-il à haute voix. Venez tous, je m'adresse à tous sans exception, mais spécialement à vous, ô infortunés pécheurs, qui gémissez, sous le poids de vos crimes venez et vous trouverez le soulagement et la paix de vos âmes. Que craignons-nous donc? Qu'est-ce qui nous retient? Nous n'avons assurément aucun motif raisonnable de nous laisser aller à la défiance. Comment pourrait-il nous chasser tandis que nous nous approchons de lui, celui qui nous invite et nous presse si amoureusement pendant que nous en sommes éloignés? Pourrait-il nous frapper celui qui s'est laissé clouer les pieds par amour pour nous? Pourrait-il nous repousser avec ses mains qu'il a laissées attachées à la croix par amour pour nous? Allons donc, allons avec confiance au trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Mais hélas, que, vois-je, quelque pressantes que soient vos invitations, ô Jésus, personne ne s'approche. Que signifie cette conduite, ô pécheur, mes bien-aimés frères, qu'est-ce qui vous retient loin de Jésus? Ah, je vous entends, C'est la frayeur soudaine qui vous a saisi et que vous n'avez pu bannir suffisamment de votre esprit et de votre cœur. Vous avez offensé Dieu, et ce nom adorable est devenu redoutable pour vous, depuis le moment où vous êtes tombé dans le péché. Vous savez que Jésus est votre avocat, qu'il est votre médiateur, mais vous savez aussi qu'il n'est autre que ce Dieu que vous redoutez si vivement. Vous savez que c'est lui à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18, et qui doit un jour prononcer la terrible sentence contre les pécheurs qui s'obstinent dans la voie de l'iniquité. Cette pensée vous empêche de vous approcher de lui, vous n'osez paraître au regard de celui que vous vous représentez si terrible et si épouvantable. Je vous ai compris. Vous attendez, n'est-il pas vrai, que quelqu'un vous accompagne et prenne votre défense auprès de Jésus, comme il la prend auprès de son divin Père? Eh bien, voici précisément, vous dit un docteur de l'Église, Saint Bernard, voici ce que vous cherchiez, ce que vous désiriez, sans trop vous comprendre vous-même. Voici Marie qui paraît en ce jour en la présence de son divin Fils pour plaider votre cause. Craindrez-vous encore cette avocate, Saint Bernard Insignium Magnum numéro 2, et qu'est-ce que votre fragilité pourrait avoir à craindre en s'approchant de Marie? Il ne paraît en elle rien de terrible ou d'austère, son esprit est plus doux et plus suave que le rayon de miel. Elle n'est pas votre juge, mais seulement votre avocate, une avocate très puissante, et très capable de traiter vos intérêts avec succès. Elle est, que pourrais-je vous dire de plus, elle est votre mère la plus affectionnée, une mère qui nourrit pour vous une tendresse plus que maternelle. Que pourriez-vous donc craindre? Parcourez toute l'histoire évangélique. Si vous trouvez le moindre trait de dureté dans Marie, tenez-la pour suspecte. Lisez les faces de l'Église catholique. Si vous y découvrez un seul pécheur qui ait été rebuté par Marie, après avoir mis sa confiance en elle, je consens que vous l'abandonniez à jamais. Mais si tout concourt à vous représenter Marie pour la mère et l'avocate la plus douce, la plus tendre, la plus affectueuse en faveur des pauvres pécheurs, que craignez-vous encore? Livrez-vous à l'allégresse, et aux plus douces réjouissances en ce jour où vous savez qu'elle est montée au ciel pour plaider votre cause, réjouissez-vous comme le firent sans doute autrefois les enfants d'Israël, alors qu'ils virent la douce et pieuse Esther se présenter devant le trône du monarque pour plaider leur cause, qu'elle défendit en effet avec le plus heureux succès qu'on eût osé espérer. Réjouissez-vous comme dut le faire le fratricide Absalom quand il sut que la sage Tecuite était allée trouver David, son père, afin d'intercéder pour lui. Oui, que la terre aussi bien que le ciel tressaille de joie et d'allégresse en cet heureux jour. Livrons-nous tous à la joie en célébrant la fête de la glorieuse Assomption de Marie. Livrons-nous tous à la joie, tous nous en avons les plus justes motifs que la cour céleste se réjouisse du bonheur qu'elle a eu de recevoir l'auguste reine des cieux, que la terre à son tour bondisse de joie pour avoir eu la gloire de porter un fruit si précieux, réjouissons-nous aussi de la gloire que Dieu reçoit en ce jour. Au sujet de la glorieuse et brillante apparition que fait pour la première fois le chef-d'œuvre de sa main toute puissante, Ecclésiastique 53, 2, le chef-d'œuvre de son esprit et de son cœur, réjouissons-nous de la gloire qui en revient à Marie, et enfin de l'avantage tout particulier que nous avons droit d'attendre de l'Assomption de cette auguste Vierge, notre avocate et notre mère. Oui, ma mère, je veux me livrer à la joie, mais vous avez à contribuer aux réjouissances que nous célébrons, et il est bien juste qu'il en soit ainsi. Quelle est la reine qui ne se fasse un devoir de contribuer en quelque chose à la fête que font ses sujets au jour de son couronnement? Bien plus, s'il s'agit d'une reine qui est coutume de se montrer libérale en tout temps, elle aime surtout à prodiguer ses largesses à ceux qui se montrent les plus empressés et les plus ardents à célébrer son triomphe. Voudriez-vous paraître avare en pareille circonstance? Je ne puis le croire, ce ne fut jamais votre défaut. Oserions-nous supposer qu'en montant au ciel vous ayez fait l'apprentissage d'un vice, pour lequel vous eûtes toujours tant d'éloignement sur la terre? Non, sans doute, mais je crois, et j'ai bien raison de le croire, que vous voudrez en ce jour vous montrer plus généreuse et plus bienfaisante que jamais envers tous. Je sais que par le rétrécissement de mon cœur et l'avarice que je vous ai montrée, j'ai mérité que vous usiez de réserve à mon égard. Mais si je me suis montré tel que je suis, montrez-vous tel que vous êtes. Si l'avarice vous déplaît, arrachez-la pour toujours de mon cœur et obtenez-moi la grâce de ne rien retenir de ce que je dois à mon Dieu, et à vous. Ô la plus chérie des mères, que je sacrifie tout à qui je me dois tout entier et à tant de titres, afin d'avoir un jour le bonheur de posséder en votre compagnie ce tout après lequel mon cœur soupire. Amen. Markem d'Anarchivorg 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.